L'ennui est une maladie intérieure qui ronge tout cru le sensible qui se meurt. On cache un peu la misère avec des films. L'onanisme et la cuisine. La télé est toute noire et puis moi j'en bois aussi. Quand elle est allumée, elle est vide comme ma vie. Elle est sale, elle est moche, elle résume ma seule envie de crever dans mon lit. À prendre pour te garder. L'ivresse est toujours là pour me guider. Je commence enfin à comprendre. Je suis fou allié. Quand je veux te frapper, je me retiens ma chérie. Alors je frappe ma tête de misérable HPI. Frappe, frappe, petite main, et ça me rend un peu fou. Fou de toi, fou de tout. Et puis moi j'en bois aussi. Quand elle est allumée, elle est vide comme ma vie. Elle est sale, elle est moche, elle résume ma seule envie de crever dans mon lit. Et quand je veux te frapper, je me retiens ma chérie. Alors je frappe ma tête de misérable HPI. Frappe, frappe, petite main, et ça me rend un peu fou. Fou de toi, fou de tout.